enjoy the silence. Je crois que c'était du Depeche Mode. Ça sonne pas faux là. Thank you. 28, si on en rajoute une note, ça va perturber. Il y a des Chinois qui arrivent.